Le vif de l'histoire est dans le vif aujourd'hui. Jean Lebrun, réflexion sur un mot au cœur de l'actualité, c'est le mot contagion. Ben notre respectable camarade Alain Rey, dans son dictionnaire historique Robert de la langue française, note que la connotation médicale contemporaine du mot ôte au sens moral la prédominance qu'il a eue pendant de longues périodes. En clair, Bruno, la contagion, ce ne sont pas nécessairement des agents infectieux qui se transmettent, il peut y avoir des contagions émotionnelles. Une équipe du Centre de Recherche Historique vient de publier un ouvrage collectif où elle donne de nombreux exemples de ces contagions émotionnelles. Alors, à la place de Béatrice Delorenti, de Thomas Leroux, qui dirige ce collectif, on aurait pensé tous les deux de suite au fou rire que nous craignons tous quand nous sommes ensemble dans un studio. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est l'enfer. Mais il préfère consacrer un chapitre au bâillement, moins facile à repérer à la radio. Surtout sous le masque. Figurez-vous qu'Aristote en parle déjà comme d'un phénomène contagieux. Aristote, quand nous voyons quelqu'un bâiller, notre imagination réactiverait les impressions qu'elle conserve de ses propres bâillements passés, impressions mêlées, pas désagréables, et que nous voudrions retrouver. C'est le pouvoir de l'imagination qui expliquerait comment une personne peut être mise en mouvement par les émotions d'une autre. On bâillait donc au 4e siècle avant notre ère. Tous les phénomènes de mode peuvent être de la même manière analysés comme des contagions. Alors, en témoigne un chapitre du livre du Centre de Recherche Historique, La Valse, venue de l'espace germanique. Dans les souffrances du jeune Werther de Goethe, 1774, l'amour de Werther pour Charlotte commence au bal par une valse somptueuse qui les entraîne l'un l'autre, mais qui fait aussi frissonner de désir les autres participants du bal, dont diraient les médecins, les sympathies nerveuses sont comme exacerbées. Les mêmes médecins ne peuvent d'ailleurs s'empêcher de parler négativement des émotions de la danse. Ils dénoncent les suites très fâcheuses résultant du contact excitant et magnétique de la valse. Vertige, menstruation prématurée, syncope, spasme, fausse couche, crachement de sang, clitorimanie et autres jouissances mensongères. Je cite les dictionnaires du début du 19e siècle. Il ne faut jamais laisser les médecins conduire toute notre vie. Et laisser l'académie contrôler tout de notre langue, point d'interrogation. Celle-ci est particulièrement sujette à contagion. Hein. Oui, quand nous faisons sans cesse appel, nous autres, à France Inter, à l'anglo-américain, nos auditeurs parlent de contagion. C'est chelou, en effet, comme on disait dans les cités, avant que le verlan ne soit relayé par l'arabe dialectal, et maintenant les langues d'Afrique de l'Ouest qui se diffuseraient contagieusement par les réseaux sociaux et les hits musicaux. Enfin, ce hit, c'est un peu en trop. Faut-il laisser faire, laisser Kuma parler en pays mandingue? Alors, dans le langage technocratique qui nous envahit bien davantage, on oppose le cercle vicieux et la spirale vertueuse. On entendait sans cesse ces deux formules il y a quelque temps. La contagion, ça peut être un cercle vicieux, l'anglais sans nécessité, mais l'apport des langues d'Afrique, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs seront d'accord avec ça, ça peut être une spirale vertueuse, un moyen de se renouveler, de s'enjailler. Ça, c'est s'amuser en Côte d'Ivoire. C'est déjà dans le Robert. En tout cas, ce soir, le président va Kuma, il va dire quelque chose d'important, c'est ça. Et le livre du Centre de Recherche Historique de la Contagion, c'est chez Vendémiaire. Merci Jean Lebrun.